Le monde de la francophonie, c'est-à-dire les pays qui ont en commun la langue française, a rendez-vous à Montreux en Suisse. Et les chefs d'État et de gouvernement ont réclamé une plus grande place pour l'Afrique dans les organisations internationales. Pour le président Nicolas Sarkozy, il n'est pas normal que le continent africain ne soit pas représenté tous les jours au Conseil de sécurité des Nations Unies, comme le sont les grands pays à Montreux. Véronique Rigoli. L'Afrique sera bel et bien la grande priorité au cœur des réformes que souhaite conduire Nicolas Sarkozy pour sa double présidence du G20 et du G8, à commencer par la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-il normal qu'il n'y ait aucun membre permanent du Conseil de sécurité émanant de l'Afrique? 1 milliard d'habitants qui n'ont pas de représentation permanente? C'est un scandale. Soutien politique mais également économique. Nicolas Sarkozy a ainsi fustigé les dérives spéculatives sur les marchés des matières premières qui pénalisent l'Afrique. Et le président, d'appeler par ailleurs ses pairs francophones, a avancé sur les financements innovants pour respecter les promesses d'aide faites au continent pour lutter contre le réchauffement climatique. Que ces financements innovants soient une taxe sur les transactions financières, une taxe sur les conteneurs de bateaux. Et sur ce sujet qui divise, Nicolas Sarkozy d'appeler chacun à prendre ses responsabilités. Enfin, mes chers amis, si nous ne parlions que des sujets sur lesquels nous sommes spontanément d'accord, on peut lever la séance tout de suite et profiter de Montreux. La question du développement est un enjeu majeur, a encore prévenu le président, à quelques semaines du sommet de Cancun, qui s'annonce d'ores et déjà très difficile. Véronique Rigolet, Montreux, RFI.